Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Et durant ces deux heures-là, on va entendre une émission spéciale dédiée à l'Espagne. Alors, l'Espagne étant un pays avec une représentativité dans le rock progressif d'à peu près 2%, c'est-à-dire que les 415 groupes que j'ai de répertoriés dans ma base de données, bien, par rapport aux 21 000 groupes qu'il y a dans cette même base de données-là, bien, on comprend qu'il y a 2%. Et si on regarde maintenant les sous-genres de rock progressif, il y en a 22, mais l'Espagne en touche 20 sur les 22. Alors, si on traçait une courbe du pourcentage de chacune qui regroupe toutes ces 20 sous-genres-là, bien, on aurait une courbe assez plate parce qu'il n'y a pas de dominante dans le rock progressif espagnol. Les 20 sous-genres sont répartis de façon assez comme une bande plate là, avec un petit top là, qui ressort avec du folk prog. Il y a aussi un peu de metal prog qui s'approche de ça. Il y a du crossover et du psychédélique. Là, ça tourne autour de 10% à peu près chaque comme effort de rock progressif. Donc, c'est un pays assez éclectique. Alors, aujourd'hui, on va couvrir 12 groupes. On aura Gualberto, Triana, Iman Califento Independiente, Frank Albir, Ignatius, Cotabel, Cheetos Magazine, Amarok, Kent Freud Kafka, Amoeba Split, L'Herba de Mali et Kvesar. Bien entendu, 12 groupes sur 415, bien, ça fait inévitablement des groupes qu'on n'entendra pas. Et malheureusement, bien, à cause de la façon que l'émission est construite, bien, j'essaie de garder une certaine fluidité entre les morceaux. Tout le monde sait qu'il y a 4 blocs principaux dans l'émission. Alors, étant donné que j'essaie de garder une certaine fluidité, mais ça exclut quelques groupes. Là. On pourra se reprendre à un moment donné dans une autre émission. Parce qu'il y a effectivement de la matière. Il y a des groupes, par exemple, comme Iceberg, Los Canarios, Musica Urbana, Itroiz, Angel Ontalva, Gothic, en tout cas, il y en a plein d'autres, qui auraient facilement pu être diffusés aujourd'hui. Alors, le premier bloc, bien, il n'y aura pas de bloc consacré à l'album de la semaine. On va le consacrer plutôt à du rock progressif espagnol, mais des années 70. Alors, pour m'aider à faire l'inventaire des groupes musicaux qui sont assez connus, j'ai demandé à Denis Guillaume, mon ami de Bécancour, qui a de très bonnes références dans le domaine, d'une part parce qu'il a été le propriétaire de Colimaçon, qui a été le magasin de rock progressif à Trois-Rivières pendant plusieurs années, puis aussi à cause de son bagage génétique qui frôle l'Espagne. Alors, ça le rend très crédible par rapport aux suggestions qu'il fait. Alors, il m'a proposé Gualberto, entre autres, et Triana. Ce sont deux groupes qui ont été actifs dans les années 70. Gualberto, qui, avec un bagage de studio de 5 albums. On a Triana aussi, qui est folk prog, avec 10 albums studio à leur actif. Et puis, on va conclure le bloc avec Iman Califato Independiente, eux qui ont 2 albums en 78 et 80. Thank you.

We'll be right back. Alors, c'était la formation espagnole Iman Califato Independiente. Et ça a été précédé d'un autre groupe d'Espagne, Triana. Et au début de bloc, ben, on avait Gualberto. Je rappelle que vous êtes à l'écoute d'une émission de Rock de Neurones spéciale consacrée au rock progressif espagnol. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Et oui, pour débuter ce deuxième bloc de l'émission consacrée au rock progressif espagnol, on aura la formation Frank Albir. Frank Albir qui a été surtout actif début des années 2000. En fait, un premier album en 92 et ça a été suivi de trois albums seulement dans les 20 années qui ont suivi. Et 20 années, c'est-à-dire. Et ce qu'on va entendre, bien, c'est une pièce tirée du dernier album paru en 2013. L'album s'intitule « Hawk ». Et la pièce qu'on va entendre, c'est « No Poise ». Et ça sera suivi de Ignatius. Ignatius qui a été comme une étoile filante dans le firmament du rock progressif espagnol avec un seul album paru en 2011. L'album s'intitule « Lights from the Deep ». Et je vous propose la pièce « Morning Moon ». Et ensuite, il y a un autre groupe dans les années 2000, en fait, qui a été très populaire avec 7 albums studio. Il s'agit de « Cotebel ». Et ce qu'on va entendre, bien, c'est une pièce tirée de l'album « Concerto for Piano and Electric Ensemble ». C'est, pardon, c'est l'avant-dernier album qui a été qui est sorti en 2012. Alors, on débute ça avec Frank Albir. L'amor s'ha de guanyar, no n'hi ha prou voler, no cal lluitar. No pots seguir-me rebutjant, si no em deixes fugir, no ho pots tenir tot, cal escollir. No em pots fer parlar com vols i esperar que no estem sols. Per dir que sóc jo qui no et deixa parlar. No pots prendre el que era meu i dir-ne compartir. Com pots fer-ho i després dormir? No em pots fer portar el teu pes i criticar el meu pany. I quan em fallen els braços cansats, we'll m'estàs maltractant. He de fugir, no he de témer el meu destí. Fa massa temps que amago el que realment sento, que em paralitza la meva por. He de deixar de fer-te la feina, de creure que això et farà content, de pensar sempre que és culpa meva si rebo algun escarment. Només cal dir prou. Thank you. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est la formation espagnole Cotobel et la pièce The Infant. Ça, c'est tiré de l'album Concerto for Piano and Electric Ensemble. C'est paru en 2012. Et auparavant, on avait aussi de l'Espagne le groupe Ignatius. Et on a entendu Morning Moon. Ça, c'est extrait de Lights from the Deep. Ça, c'est leur seul album. Ça a été paru en 2011. Et en début de bloc, on avait Frank Albir. Et la pièce No Pots, ça c'est tiré de Hawk, paru en 2013. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors on continue cette émission spéciale consacrée au rock progressif espagnol avec une formation un peu éclatée. C'est Cheetos Magazine et c'est un nouveau groupe assez récent qui a débuté en 2014 avec un premier album qui s'intitule Boiling Falls et c'est extrait de cet album-là qu'on va entendre la pièce Octopus Soup et ça sera suivi du groupe Amarok. Amarok, à ne pas confondre avec le groupe du même nom qui vient de la Pologne. Alors Amarok, c'est encore une fois, un groupe espagnol qui a été actif une vingtaine d'années, entre 1994 et 2015. Pour l'instant, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui va continuer de cet effort-là, mais ils ont 8 albums studio. Et je vous propose un extrait de l'album Quantadhenken, qui est paru en 2004. Et ça va être la pièce Tierra Boreal. Et en conclusion du bloc, un de mes groupes préférés espagnols, c'est Kant Freud Kafka. Ils ont 2 albums studio. Le premier en 2014, No Tengas Miedo. Et ensuite, en 2017, on a eu le très excellent Onirico. Pour l'occasion, aujourd'hui, on va entendre Hombre. Ça, c'est tiré de leur premier album, No Tengas Miedo. What do you think all this means? Octopus gonna never go farther, Jim and Vim. What do you think all this means? Congratulations for your mass to blame. Congratulations for your mass to blame. What do you do? You giving all of these experiments? What do you do? You giving all of these experiments? Told the sky, you giving all of these experiments. Thank you. Alors, c'était la jeune formation espagnole Ken Freud Kafka et la pièce Hombre. Ça, c'est tiré de No Tengas Miedo, paru en 2013. Et auparavant, on avait Amarok, aussi de l'Espagne, et la pièce Tierra Boreal, tirée de Quantad Harken. Et en début de bloc, on avait Cheetos Magazine et la pièce Octopus Soup, tirée de Boiling Fall. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. Alors, nous voici donc rendus au dernier bloc de l'émission, cette émission spéciale consacrée au rock progressif espagnol. Et pour débuter, ben, j'aimerais présenter, il y a deux groupes qui font du Canterbury en Espagne. Et un de ceux-là, c'est Amoeba Split. Amoeba Split qui a deux albums studio, un en 2010 et l'autre en 2016. Et c'est tiré de ce deuxième album-là qui s'intitule Second Split, qu'on va entendre la pièce Backwards All the Time. Et ensuite, on aura l'Herba d'Amélie, c'est-à-dire Herba d'Amélie. C'est un groupe de folk prog espagnol. Eux sont un petit peu plus prolifiques, en fait, six albums entre 2001 et 2015. Et c'est le dernier album qui s'intitule Interiors, duquel on a sorti la pièce Ecstasy Terrenale. Et ensuite, pour conclure l'émission, on va aller sur une note un petit peu enjouée avec la formation Kvasar. Ça s'appelle K-V-A-S-A-R. C'est du... il y a un seul album qui est paru en 2010. L'album s'intitule Geometrice et la pièce c'est Peter. Alors, on débute ça avec Amoeba Split. Thank you. ashes, in a self secluded Peter. Everybody's deluded. Sweet Dan, meaningless channel, will grow in a radical direction. Take your time, change my mind. Peter goes strong and proof the C'est avec cette pièce de la formation espagnole que Vésar qu'on termine l'émission spéciale consacrée au rock progressif espagnol. Alors c'est Jimmy Farley qui vous invite à vous joindre à nous pour une prochaine émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est Fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières.